Et la suite de vos aventures scientifiques cette semaine. Demain, nous parlerons informatique et toute puissance de l'ère numérique, car les gros ordinateurs ne servent pas qu'à modéliser le climat. Loin s'en faut, dans ce domaine également, avons-nous franchi un point de bascule? Pouvons-nous prévoir le futur que nous sommes en train de nous façonner? Pour répondre à ces questions, nous recevrons l'informaticien Gérard Berry. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.